j'ai dans ma tête toute une panoplie d'histoires, bonnes ou mauvaises, que je raconte certains soirs. Quand la solitude me pèse, quand le doute se fait sentir, à moi-même je me parle en essayant de me mentir, de me dire que le monde est beau et pas si vaste qu'on le prétend, de sourire comme un idiot, mais tout en serrant les dents. J'ai compris qu'on est tout seul à bâtir notre futur, qu'on n'a pas beaucoup de temps, il vaut mieux escalader les murs. J'ai essayé d'avoir la foi, mais très vite je n'ai plus cru. On m'a dit c'est du cinéma, de toute façon ces films je les ai pas vus. J'ai toujours voulu être à part, mais j'en deviens un peu aigri. Je me suis renfermé dans mon art, mes seuls potes étaient mes écrits. Je me suis renfermé dans mon art, mes seuls potes étaient mes écrits. Parce que j'ai mal, parce que je pleure, et parce que j'ai plus de haine que d'amour au fond du cœur. Parce que j'ai mal, parce que j'ai peur, parce que ma solitude m'étouffe et que je pense partir avant l'heure. Parce que j'ai mal, parce que je pleure, et parce que j'ai plus de haine que d'amour au fond du cœur. Parce que j'ai mal, parce que j'ai peur, parce que ma solitude m'étouffe et que je pense partir avant l'heure. Je suis quelqu'un de trop entier qui voit la vie comme un cadeau, qui pense que l'amour nous sauve, mais qu'il faut pas lui tourner le dos. J'ai trop souvent été déçu, alors maintenant je me mets en veille et je reste dans ma solitude en me perdant dans mon sommeil. J'ai rêvé bien trop souvent qu'on pouvait changer les choses, qu'en donnant un peu de son temps on pouvait faire valoir une cause. Mais j'ai très vite déchanté, très vite j'en ai eu ma dose, quand j'ai compris que je me plantais, car l'homme ne valait pas grand chose. Alors je me suis réfugié dans ce qu'on appelle un mal. Je ne savais plus qui j'étais, ni même si j'étais normal. Je ne dormais plus la nuit à penser, à pleurer, pour pouvoir rester en vie. Avec plein de cachets je me droguais, je te jure que ça va très vite, une putain de descente aux enfers. Tu comprends pas ce qui t'arrive, tu n'as plus les idées claires. À force d'être coupé des autres, tu en perds même tous tes repères. C'est ce qu'on appelle la solitude quand tu sens ton cœur qui se resserre. C'est ce qu'on appelle la solitude quand tu sens ton cœur qui se resserre. Parce que j'ai mal, parce que je pleure, et parce que j'ai plus de haine que d'amour au fond du cœur. Parce que j'ai mal, parce que j'ai peur, parce que ma solitude m'étouffe et que je pense partir avant l'heure. Parce que j'ai mal.